FrenchPod.com. Pouf, tu as vu le prix de l'essence ? Oui, je suis allée à la station-service ce matin. Ça a encore augmenté depuis la semaine passée. Maintenant, ça me coûte presque 60 euros pour faire un plein, même avec mon diesel. C'est de la folie. Je me demande jusqu'où ça va aller. Le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 100 dollars. Oui, et la dernière réunion des pays de l'OPEP n'a rien arrangé. Deux de mes collègues m'ont proposé de faire du covoiturage pour aller au travail. Je crois que je vais accepter. Moi, je n'ai pas d'autre solution pour l'instant. Mais je devrais penser à un autre moyen de transport.